الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nous continuons dans la lecture de cette traduction du livret intitulé « Ma hiya al-Salafiyya » du noble cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari. Il était prévu à la base de faire cette lecture en deux assises, mais comme vous l'avez vu, on n'a pas eu la possibilité de terminer cela ce matin. C'est pour cela que, contrairement à ce qui est annoncé, on va essayer de le faire maintenant. Et ensuite, nous continuerons dans la lignée de ce qui a été annoncé avant la prière del Maghreb, si Allah Azza wa Jal nous le permet. Nous en étions arrivés à ce chapitre dans lequel le cheikh, qu'Allah le préserve, fait mention d'un certain nombre de traits caractéristiques et de fondamentaux régissant cette voie salafie. La salafie. Et il a donc énuméré un certain nombre de points importants, de principes fondamentaux, de bases essentielles. Et suite à cela, il a fait mention des textes qui appuient justement le caractère fondamental de ces quelques principes-là. Et nous étions arrivés au troisième texte, introduit, dont la mention est introduite par l'auteur. Il a dit, le fait qu'Allah a dit dans la sourate Al-Fatiha, « Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. » Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans « Irathatul Lahfan » Cette voie droite qu'Allah l'exalté nous a ordonné de suivre est la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont empruntée. C'est d'ailleurs là le but à atteindre, alors que ceux qui en divergent comptent forcément parmi les voies égarées. Cet égarement peut être accru, tout comme il peut être infime, et entre ces deux stades, il est des degrés que seul Allah peut dénombrer. En somme, la situation est similaire à un véritable chemin, car il se peut que celui qui l'emprunte s'en écarte de manière prononcée, tout comme il se peut qu'il n'en déroge que légèrement. La balance permettant de reconnaître la droiture de la déviance n'est autre que la voie sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons cheminaient. Quant à celui qui en déroge, c'est soit un exagérateur injuste, soit un savant auteur d'un effort de jugement qui a commis une erreur d'interprétation, ou encore un suiveur ignorant. Or, tout cela a été réprouvé par Allah. Il ne reste donc plus que le suivi et l'attachement à la sunna autour de laquelle gravite la religion. Fin de citation. Nous retrouvons donc ici ce que nous avons eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises, à savoir le fait que seule cette voie mène à l'agrément d'Allah. Azza wa Jal. Le cheikh de continuer en disant, celui donc qui sera fidèle à la salafia authentique avec savoir et justice sera dans le juste milieu, démarqué des groupes de la perdition et de l'égarement, étant donné que la vérité réside dans une voie médiane entre deux égarements. C'est de passer le stylo, s'il te plaît. L'imam al-Awza'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il n'est pas un ordre qu'Allah ait donné sans que Satan ne cherche à le contrer par deux choses. » Il n'est pas un ordre qu'Allah a donné sans que Satan ne cherche à le contrer par deux choses. Sans tenir compte de savoir par laquelle des deux il parviendra à ses fins. Elles sont l'exagération et le laxisme. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas donné un ordre sans que Satan n'y ait deux accès. L'excès et l'exagération, d'une part, ainsi que la négligence et le laxisme d'une autre, et peu lui importe par lequel des deux il réussira à duper le serviteur. Il se présente en effet au cœur de ce dernier et le sonde, et le teste. S'il y trouve de la négligence, de la lassitude, un penchant vers la paresse et les permissions, alors il l'attaquera par cela en le décourageant et en le laissant inactif. En le frappant par la paresse, l'inactivité et la lassitude, en lui ouvrant entre autres la porte des fausses interprétations et de l'espérance, à tel point qu'il se peut que le serviteur délaisse totalement ce qui lui a été ordonné. Satan l'aura dupé par le piège du laxisme et du laisser aller et de la négligence. L'imam Ibn al-Qayyim de continue en disant, si par contre il constate en lui de l'attention et du sérieux, de l'effort et de l'éveil, il désespérera de le piéger par ce moyen, c'est-à-dire par la négligence et le laxisme. Il lui insufflera alors de redoubler d'efforts en lui suggérant de la sorte. Cela ne te suffit pas. Ton ambition est au-dessus de ça. Il convient que tu sois meilleur que les autres. Ne dors donc pas lorsqu'ils dorment et ne romps pas lorsqu'ils rompent. Tout cela dans l'exagération et la transgression des limites. Ainsi, il le pousse à exagérer et à aller au-delà de la voie droite, de la même façon qu'il incitait le premier à ne pas l'emprunter ou à ne pas s'en approcher. Celui chez qui il a relevé de la paresse et de l'inactivité et de l'oisiveté, il va faire en sorte qu'il n'emprunte pas cette voie droite. Et celui chez qui il va relever de la motivation et de l'éveil, il va faire en sorte qu'il dépasse cette voie droite. Il aura dupé le premier par le laxisme et le second par l'exagération. L'imam Ibn al-Qayyim de continuer en disant, son but avec ces deux types de personnes est de les faire sortir de la voie droite. Le premier en l'empêchant de s'en approcher et le second en le poussant au-delà de sa limite. La plupart des hommes ont été éprouvés par cela et ne peut en sauver qu'un savoir profond, une foi et une force permettant d'y faire front. De même que rester fidèle à la voie du juste milieu, c'est à Allah que nous demandons l'aide. C'est à Allah que nous demandons l'aide. Car tout cela, le savoir, la foi, cette force qu'Allah te donne, cette fidélité à la voie du juste milieu, tu ne peux t'y tenir que si tu bénéficies de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là quelque chose de très important. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. Si la personne ne bénéficie pas d'une aide venant d'Allah, la première des choses qui causera sa perte, c'est son propre effort. Donc là, quelque chose d'indispensable. Le prophète, alayhi salatu wa salam, ne disait-il pas tous les matins, Allahumma rahmataka arju, ala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant. Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse donc pas livrer à ma propre personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, et améliore l'ensemble de ma situation. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est toi. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en expliquant le juste milieu des adeptes de la sunna dans son livre Al-Aqidat Al-Wasitiyya, il en est de même concernant le restant des composantes de la sunna. Ils y adoptent le juste milieu, c'est-à-dire les adeptes de la sunna, car ils sont fermement attachés au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi étaient unanimes les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont convenablement suivis. Fin de citation. Parmi les traits caractéristiques de la salafia, être ferme sur la vérité. Allah azza wa jal a dit, comme on le trouve dans la sourate al-Hajj, le verset numéro, dans le verset numéro 40, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient Allah est le Seigneur que nous adorons. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées, où le nom d'Allah est abondamment évoqué. Certes, Allah soutient ceux qui soutiennent sa cause. Allah est assurément fort et puissant. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, surat Ibrahim, verset numéro 27. Hudhayfa radiallahu anhu disait « Le sommet de l'égarement, et que tu approuves ce qu'auparavant tu réprouvais, et que tu réprouves ce qu'auparavant tu approuvais. » Et méfie-toi de la versatilité dans la religion, car la religion d'Allah est unique. Méfie-toi de la versatilité dans la religion. Talawun, fait d'être versatile. Un jour, sur une voie et un jour, sur une autre. La religion d'Allah, elle est unique. Et le sommet de l'égarement, c'est que tu te mettes à réprouver ce qu'auparavant tu approuvais de la vérité. Et que tu te mettes à approuver ce qu'auparavant tu réprouvais du faux. Le Cheikh Abdullah de continue en disant en outre, il se peut que vous vous rappeliez de la position de l'imam Ahmed, l'imam des adeptes de la Sunna, qui fut offensé pour la cause d'Allah l'exalté, mais qui resta ferme, qu'Allah l'agrée. Il se fit flageller et torturer du fait qu'il était fidèle à la voix d'Allah, et il ne dérogea pas à la parole de vérité. De même que l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui subit également des préjudices pour la cause d'Allah, et qui resta ferme. Être inflexible dans son attachement à la vérité fait donc partie des qualités inhérentes à cette voie et à ses avisés et fidèles adeptes. Et par Allah, cela apparaîtra avec évidence à quiconque lira ses biographies et observera le parcours des pieux prédécesseurs. Parcours donc la vie de l'imam Muhammad ibn Ahmed ibn Sahl al-Ramli, ce modèle d'imam, radiyallahu anhu, qui fut offensé pour la cause d'Allah. Et quelle offense! Le grand érudit al-Dhahabi dit dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, au cours de sa biographie, le grand érudit Abu Dhar disait en narrant la vie de Muhammad ibn Ahmed, que nous venons de mentionner, c'est-à-dire al-Ramli, le gouvernement de Banu Ubaid l'emprisonna et le crucifia alors qu'il était fermement attaché à la Sunna. J'ai d'ailleurs entendu al-Dharqutni le mentionner, c'est-à-dire Abu Dhar, d'ailleurs entendu Ad-Darqutni le mentionner en pleurant. Il disait, alors qu'il se faisait torturer, « Kana dhalika fil kitabi mastura » Cela a été écrit dans le livre. Le Cheikh Abdullah de dire en commentaire, le fait qu'il répétait ce verset prouve qu'il croyait fermement à la prédestination d'Allah et à son décret. Ibn al-Akfani a dit, après avoir cité le récit de sa torture, que c'est un individu parmi les gens du livre qui le tortura. Et ce bourreau s'affligea même de son supplice. C'est-à-dire, il s'est affligé du supplice infligé à cet imam, à tel point qu'il éprouva de la compassion pour lui et plaça sa dague sur son cœur et l'acheva par pitié. Ibn al-Akfani ajouta, il fut donc torturé, empaillé et crucifié. Il fut crucifié pour son attachement à la sunna. Qui donc peut endurer ce qu'il endura? Et s'il endurait cela, c'est pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans sa biographie, il est rapporté que certaines personnes déléguées par le gouvernement de Banu Ubaid, Na'am, qui étaient des ennemis de l'islam, se sont présentés à lui et lui ont dit, il nous a été rapporté que tu dis que si tu avais 10 flèches à ton arc, tu en dirigerais 9 vers les Romains, tu en dirigerais une seule vers les Romains et 9 vers nous. Et il a répondu, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. J'ai plutôt dit que si j'en avais 10, je les dirigerais les 10 contre vous, car vous avez falsifié la religion d'Allah. C'est à partir de ce moment-là qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont emprisonné et qu'ils l'ont torturé jusqu'à l'exécuter, l'achever et l'empailler. Et ensuite le crucifier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. L'imam Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, toujours en parlant de la fermeté en matière de religion, parmi les éléments prouvant que les adeptes du hadith sont sur la vérité, on compte le fait que si tu parcours l'ensemble des livres qu'ils ont écrits, du premier jusqu'au dernier, de l'ancien au récent, aussi différent que soit leur pays et époque, et aussi éloigné que puisse être leur contrée, et bien que chacun d'eux habite dans un lieu différent, tu les trouveras dans l'explication de la croyance suivant un seul et même modèle, une seule et même ligne de conduite, de laquelle ils ne dérogent et ne s'éloignent jamais. Leur discours à ce sujet est unique, leur œuvre aussi. Tu ne trouves pas de divergence ou de division entre eux, dans quoi que ce soit. Plutôt, si tu réunissais tout ce que leurs langues ont prononcé et tout ce qu'ils ont transmis de leurs ancêtres, tu te rendrais compte que c'est comme si c'était issu d'un seul et même cœur, prononcé par une seule et même langue. Y a-t-il pour la vérité une preuve plus flagrante que cela? Allah subhanahu wa ta'ala a dit « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Ne médite-t-il donc pas le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Surat An-Nisa, verset numéro 82. L'exalté a également dit وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous les bienfaits qu'Allah vous a octroyés lorsque vous étiez ennemis et qu'il concilia vos cœurs et que par son bienfait vous êtes devenus frères. Surat Ali Imran, verset numéro 103. Et c'est ainsi que se termine donc la citation des propos de Sam'ani, comme on peut les trouver dans Sawn al-Mantiq wal-Kalam. Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: tu verras que les adeptes de la spéculation sont ceux qui changent le plus d'avis, et qu'ils vont même jusqu'à affirmer une parole dans un contexte et à affirmer son contraire dans un autre, voire à statuer de la mécréance de ceux qui disent la première parole que pourtant ils soutenaient au préalable. Et c'est une preuve d'absence de certitude, car la foi, comme l'a dit César lorsqu'il questionna Abu Sufyan à propos de ceux qui se convertirent à l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que César posa cette question à Abu Sufyan avant que ce dernier n'embrasse l'islam. Il lui a dit: est-ce que parmi eux il en est qui délaissent leur religion par désapprobation après y avoir adhéré? Il répondit que non. César dit alors: telle est la foi. Lorsque sa douceur se mélange au cœur, personne ne s'en lasse. C'est dans ce sens qu'un ancien disait, et il se peut que ce soit Omar ibn Abdel Aziz ou un autre: celui qui fait de sa religion un sujet de controverse changera sans cesse d'avis. Quant aux adeptes de la sunna et du hadith, je n'en connais aucun, aussi bien parmi leurs ulama que parmi les pieux de leur masse, qui ait délaissé le discours qu'ils soutenaient et dont ils avaient la conviction. Ils sont plutôt les gens les plus endurants dans cela, même s'ils sont touchés par toutes sortes d'épreuves et déstabilisés par différentes dissensions. Tel est l'état dans lequel les prophètes et leurs suiveurs parmi les anciens étaient, comme ces gens dont l'histoire est narrée dans le récit d'Al-Urdoud et leurs semblables, tels que les premiers croyants de cette communauté, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, et autres que parmi leurs imams. Et de manière générale, la fermeté et la ténacité chez les adeptes du hadith et de la sunna sont largement supérieures à celles que l'on trouve chez les partisans de la spéculation et de la philosophie. Fin de citation. Propos que l'on peut retrouver dans Majmou' al-Fatawa du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, compilé par le noble Cheikh Abdurrahman Ibn Qasim. Suite à cela, nous en arrivons à la conclusion annoncée par le Cheikh au début de son livret, contenant certaines paroles éblouissantes. Le Cheikh a dit, qu'Allah le préserve, le bref tour d'horizon de ces quelques principes sunnites touche à sa fin. Sachant qu'il est obligatoire à l'individu qui souhaite sauver sa personne et la libérer, d'être fidèle à ce qu'ils impliquent comme attachement à l'ordre ancestral, qui n'est autre que la voie des plus prédécesseurs de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Naam. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah subhanahu wa ta'ala a dit, من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque espère donc rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Surat Al-Kahf, verset numéro 110. De même qu'il a dit à Azza wa Jal, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. Surat Al-Ahzab, verset numéro 21. Et je profite de l'occasion pour ajouter aux paroles des imams qui ont précédé contenant l'ordre et l'exhortation au suivi scrupuleux de la voie des pieux prédécesseurs, certaines citations éblouissantes et limpides qui constitueront un rappel, vu que le rappel profite aux croyants. Parmi ces paroles-là, premièrement, celle prononcée par Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'un de ses valets le questionna au sujet des passions et des idéologies déviantes, il lui écrivit donc en disant, je te recommande la crainte pieuse d'Allah, la justesse dans l'application de ce qu'il ordonne et le suivi de sa sunna ainsi que de celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que le délaissement de ce que les hérétiques ont ajouté après ce dernier, dans ce au sujet de quoi sa sunna était connue, les dispensant d'un quelconque effort. À partir du moment que la sunna est établie, sur un point tu n'as plus d'effort à fournir, si ce n'est le fait de te conformer et de mettre en application. Suis donc la sunna, car elle est pour toi par permission d'Allah une protection. En outre, sache qu'aucune hérésie n'a été instaurée par les gens sans que ne l'ait précédé ce qui prouve sa fausseté. Car la sunna n'a été instaurée que par celui qui connut ce que contenait son opposé comme erreur, fourvoiement, bêtise et complication. Accepte donc pour ta personne ce que les croyants ont accepté pour eux-mêmes, car ils sont les devanciers, et qu'ils se sont arrêtés par savoir, avec savoir et lucidité, et ils étaient certes plus forts dans la connaissance des choses et de leurs valeurs. Et si la bonne direction réside dans le chemin que vous avez emprunté, alors vous les y avez devancés. Et si tu dis que ceci est apparu après eux, sache que cela n'a été ramené que par ceux qui ont suivi autre que leur voie, et se sont détournés d'eux. Si la personne qui déroge à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam considère que la bonne direction réside dans le chemin qu'elle a emprunté, alors cela signifie que cette personne considère qu'elle a devancé ses pieux prédécesseurs dans cela, ce qui est inconcevable pour un croyant. Et si la personne qui suit autre que la voie des pieux prédécesseurs affirme et avoue que cela est apparu après eux, c'est-à-dire cette voie-là qu'il suit est apparue après eux, alors il faut qu'il se rappelle que cela n'a forcément été ramené que par ceux qui ont suivi autre que la voie des plus prédécesseurs, et n'a été ramené que par ceux qui se sont détournés d'eux. Quant à eux, c'est-à-dire les plus prédécesseurs, ils ont certes suffisamment parlé de ces sujets, et les ont décrits de telle manière qu'ils sont une guérison. Ceux qui ne les suivent pas sont négligents. Tandis que ceux qui cherchent à les dépasser sont outranciers. Et vous vous rappelez donc des propos d'Al-Awza'i et d'Ibn al-Qayyim concernant la ruse de Satan et les moyens par lesquels il cherche à égarer l'enfant d'Adam par le laxisme d'une part et l'exagération d'une autre. Ceux qui ne les suivent pas sont négligents, ceux qui n'ont pas emprunté leur voie, tandis que ceux qui cherchent à les dépasser sont outranciers. En effet, certains firent preuve de négligence et ne les ont pas suivis et sont ainsi tombés dans le laxisme, tandis que d'autres ont cherché à aller plus loin qu'eux et sont tombés dans l'exagération alors qu'eux cheminaient sur une voie droite. Et on peut retrouver ces propos de Omar ibn Abdelaziz dans Al-Shari'a d'Al-Ajurri ainsi que dans Al-Bida' wa Nahyu Anha d'Ibn Wabbah, avec une chaîne de narration authentique. Cela est également recueilli dans Al-Hibya d'Abu Nu'aym. Et on peut également retourner à Al-I'tisam d'Al-Shatibi. Deuxièmement, l'imam Muhammad ibn Muslim al-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ceux qui sont passés parmi nos ulama disaient, l'attachement à la sunna est une protection et le savoir est vite repris. C'est donc par lui que perdure la religion et la vie terrestre. Tandis que lorsqu'il disparaît, tout cela disparaît aussi. Tandis que lorsqu'il disparaît, tout cela disparaît aussi. Et ces propos ont été recueillis par Darimi dans Sunan, avec une chaîne de transmission authentique. Troisièmement, l'imam Ibn Hibban, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'introduction de son recueil authentique, il y a dans l'attachement à la Sunna le vrai salut et le plus grand honneur. Ni ses lumières ne s'éteignent, ni ses arguments ne s'épuisent. Celui qui est fidèle est protégé, tandis que celui qui la contredit est pris de regret, vu qu'elle est cette forteresse impénétrable et ce pilier immuable dont le mérite est établi et dont les liens sont solides. Celui qui s'y attache fermement aura triomphé, alors que celui qui cherchera autre qu'elle périra. Ceux qui s'y fient sont ceux qui auront trouvé le bonheur dans l'au-delà et sont les enviés parmi les hommes dans l'immédiat, c'est-à-dire dans ce bas monde. Quatrièmement, l'imam Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Dham al-Muwaswasin, dans le suivi de la sunna, il y a la bénédiction qui réside dans le fait d'être en accord avec la religion, l'agrément du Seigneur et l'élévation en degré, ainsi que la quiétude du cœur et le bien-être du corps. Il s'y trouve aussi la frustration de Satan, de même que le suivi du droit chemin. Cinquièmement, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le plus proche des chemins menant à Allah est l'attachement à la sunna, ainsi que le fait d'y être conforme de manière apparente et intérieure, de faire constamment preuve d'indigence face à Allah, et de rechercher uniquement sa face à travers les paroles et actes. Et personne n'est parvenu à l'agrément d'Allah sans ces trois choses, de même que personne n'en fut privé sans qu'il ne s'en soit tout ou partie détourné. On peut retrouver ces paroles dans Al-Fawaid. L'imam Ibn Rajab Al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Fadl, ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, la meilleure des sciences concernant l'explication du Coran et du Hadith, ainsi que le licite et l'illicite, et ce qui a été rapporté des compagnons, et ceux qui les ont suivis parmi les deuxième et troisième générations, jusqu'à l'époque des imams connus de l'islam, faisant office de référence, que nous avons déjà nommé. Maîtriser ce qui est rapporté d'eux en cherchant sa compréhension et en s'en instruisant compte donc parmi les meilleures des sciences, alors que les longues discussions qui sont apparues après eux ne comportent que très peu de bien, hormis ce qui pourrait constituer un commentaire d'une parole liée à la leur. Quant à la plupart de ceux qui sont en opposition avec leurs paroles, c'est soit vain, soit inutile. Il n'est donc pas de vérité dans les propos de ceux qui sont venus après eux sans qu'elles ne se trouvent dans les leurs, et ce de la manière la plus résumée qu'il soit. De même qu'il n'est pas de parole fausse, sans qu'il n'y ait dans leurs propos la démonstration de leur fausseté, pour celui qui cherchera à la comprendre et à la méditer. Réside également dans leurs discours des sens sublimes et des argumentations précises, vers lesquelles ceux qui leur ont succédé n'ont pas été guidés, et dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Donc celui qui ne puisse pas le savoir dans leurs propos sera privé de tout ce bien, et se vautrera dans le faux, proportionnellement au retard qu'il accusera dans leur suivi. De plus, celui qui souhaite résumer leurs paroles devra savoir différencier ce qui en est authentique de ce qui en est faible, et ceci par la connaissance du domaine de la critique et de l'éloge, et des imperfections dont recèlent certains récits. Le domaine du critique et de l'éloge, c'est-à-dire al-jarh wa ta'dil, qui concerne donc la science relative aux rapporteurs des hadiths prophétiques et des récits rapportés des prédécesseurs de cette communauté, alors que le savoir lié aux imperfections dont recèle la transmission de certains récits, c'est ce qu'on appelle la science de al-ilal, c'est-à-dire certaines imperfections qui sont bien souvent dissimulées et perceptibles uniquement par les spécialistes en la matière. Et il est impératif de connaître cela pour savoir différencier ce qui est rapporté de manière authentique de nos pieux prédécesseurs de ce qui est rapporté d'eux de manière faible. Ibn Rajab de continue en disant, quant à celui qui ne connaît pas cela, il n'est pas fiable dans ce qu'il rapporte. Et ce qu'elle contient de vrai se mélange dans son esprit à ce qu'elle contient de faux. Or, à notre époque, il est obligatoire de recenser les paroles des imams qui font office de référence parmi les anciens, et ce jusqu'à l'époque de Shafi'i, d'Ahmed, d'Ishaq et d'Abu Ubaid, que l'individu soit sur ses gardes vis-à-vis de ce qui est apparu après eux, car beaucoup d'incidents sont survenus après leur époque. Fin de citation donc de ce passage du livre Fadl, Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf d'Ibn Ranjab al-Hambani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh Abdullah de continuer et de conclure en disant, c'est donc à Allah que je demande par ses noms, étant le plus beau des noms, et attribut étant les plus sublimes des attributs, de nous assister dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée, de nous bénir où que nous soyons, de nous affermir sur l'islam et la sunna, de nous reprendre vers lui alors que nous ne sommes pas pris par la tentation, et de nous compter parmi les pieux. Il est certes généreux et noble, et certes il entend et exauce. Qu'Allah fasse les éloges, salue et bénisse le messager d'Allah, ainsi que sa famille, ses compagnons, et ceux qui les auront convenablement suivis jusqu'au jour de la résurrection. Et les louanges reviennent à Allah, le Seigneur souverain des mondes. Et c'est ainsi que se termine cette tentative de traduction de ce livret bénéfique composé par le noble Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari. Qu'Allah le préserve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين